النبي عليه الصلاة والسلام a dit من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. Celui qui jure par autre qu'Allah a associé. Ça a été rapporté par l'imam Ahmed, selon Omar ibn al-Khattab, avec une chaîne de transmission authentique, a dit Cheikh ibn Baz, rahimahullah. Et dans l'autre hadith, النبي عليه الصلاة والسلام a dit من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a mécru ou il a associé. Il a associé. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. Ne dites pas par la volonté d'Allah et celle d'un tel. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. Mais dites plutôt par la volonté d'Allah puis celle d'un tel. Donc tout ça, ça confirme ce qui a été vu. Donc c'est ce shirk, comme a dit Cheikh Ibn Baz, cette forme de shirk n'entraîne pas l'apostasie, ni l'éternité en enfer, mais elle contredit التوحيد الكامل الواجب. Elle contredit le monothéisme complet obligatoire. Elle contredit le monothéisme complet obligatoire.